La méditation d'urgence est à pratiquer lorsque vous êtes submergé par de fortes émotions négatives, comme c'est le cas lors d'une crise d'angoisse. Commencez par vous installer confortablement dans un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux pour retrouver votre espace intérieur. Prenez trois grandes inspirations et poussez chaque expiration le plus loin possible. Puis laissez votre souffle reprendre son rythme naturel sans essayer de le contrôler. Il est possible que votre esprit s'emballe déjà. Mille choses vous traversent l'esprit et probablement les plus anxiogènes. Focalisez votre attention sur votre souffle. Pour accrocher votre mental, comptez chacune de vos respirations. Je compte 1 à l'inspiration, 2 à l'expiration, 3 à l'inspiration suivante. Continuez ainsi jusque 10. Si vous perdez le fil et que votre attention s'échappe, revenez là où vous en étiez ou recommencez à partir de 1. S'il est difficile de se contrôler lors d'une crise d'angoisse, il l'est tout autant de se raisonner. En posant votre attention sur votre respiration, vous allez rapidement sentir votre souffle se réguler et votre corps se détendre. Observez et répertoriez toutes les sensations physiques qui vous submergent sans les juger ou les catégoriser. Même si cela vous paraît difficile à faire, je vous invite même à les accueillir. Il est possible que votre cœur batte à tout rompre, que vous ressentiez une forte douleur dans la poitrine. Que vous ayez des picotements dans les bras et les jambes, accompagnés de fortes bouffées de chaleur. Notez tout ce que vous percevez avec distance et bienveillance. L'anxiété, l'angoisse sont des sensations naturelles que tout le monde éprouve. Cela signifie que vous êtes en état d'alerte. Y a-t-il réellement un danger dont vous devez vous échapper maintenant? Même si cela est très désagréable, ce n'est pas dangereux et cela finit toujours par passer. Vous avez déjà probablement traversé cela et il ne vous est rien arrivé. Respirez sans essayer de contrôler ces sensations. Vous pouvez prendre de la distance avec vos émotions et les pensées qui les accompagnent. Quelle est la part de réalité dans ces pensées qui vous assaillent ? Pouvez-vous les voir autrement? Êtes-vous en danger physiquement? Inspirez jusqu'au bout de l'inspire. Expirez jusqu'au bout de l'expire. Lorsque la cloche retentira, prenez tout le temps nécessaire pour ouvrir les yeux et n'hésitez pas à reprendre cette méditation si vous sentez l'angoisse remonter.